Et tous ceux qui se posaient la question, que devient Roselyne Bachelot? Les grandes gueules apportent la réponse. Roselyne Bachelot, députée européenne, ancienne ministre de l'Environnement, on sera en direct tout à l'heure à 13h. Mais c'est vrai que c'est le grand retour d'une grande gueule, parce que lorsqu'on est ministre, on est obligé de fermer sa gueule. Lorsqu'on quitte un gouvernement, on retrouve sa liberté de parole. Donc Roselyne sera avec nous à 13h avec son tailleur rose. Mais c'est pas seulement ça, Bachelot, parce que c'est une femme engagée, courageuse. C'est la seule à droite qui avait voté le PACS, par exemple, en 98. Donc Bachelot avec nous à partir de 13h. Les grandes gueules du jour, Jacques Maillot, Alain Soral, Olivier Truchot, bien sûr. Et Dick Rivers, pour parler des RTT dans un instant, savoir si ces RTT, il convient de les payer ou s'il faut les mettre sur un compte épargne-temps. Mais il y a encore un SMS qui vient d'arriver pour l'ami Dick au 61-068 parce que tu disais ce que tu allais faire ce week-end, regarder la télé, tu allais zapper, tu allais regarder Canal+. Et Nono, il a relevé, dit qu'il ne perd pas le Nord dans son programme télé le premier samedi du mois, il met Canal+. Et pourquoi? Il y a le film porno. Oh là là! Ne fais pas innocent, Dick. Oh là, ouais, oui, Dick, t'as été piégé. Oh, j'ai vraiment pas pensé à ça. Surtout Dick, il se couchera tard, toujours. C'est ce qu'il nous dit. Alors, que fait-on des RTT? Question posée, à vous de répondre. Un quart d'heure pour répondre. Que faire des RTT? 61-068 pour dire par SMS, 32-16 pour nous le dire en direct, ou rmcinfo.fr pour le dire par Internet. On les paye ou on ouvre un compte épargne-temps? Le gouvernement, on sait qu'il ne reviendra pas sur la loi sur les 35 c'est heures. C'est important de le préciser. Le gouvernement ne peut pas supprimer les 35 heures parce que Chirac a dit non, on ne touche pas, c'est un acquis maintenant. On va aménager. Et donc il faut aménager. Raffarin n'a pas d'autre solution que d'assouplir parce qu'il y a les députés UMP, certains en tout cas, qui sont pas contents, qui voudraient qu'on supprime les 35 heures. Des chefs d'entreprise également qui voudraient qu'on remette en cause ces 35 heures. Alors Raffarin a une idée. C'est élargir l'utilisation du compte épargne-temps. Comment ça marche? C'est un dispositif qui est en fonction depuis quelques années dans les entreprises. Alors ce que propose le gouvernement, on verra si Raffarin va retenir la solution, c'est la semaine prochaine. Le dispositif imaginé permettrait aux salariés de stocker leur journée RTT non prise, hein, les salariés qui ont envie de travailler, jusqu'à 30 jours par an, et ces journées non prises, en fait, bah, 22, vont être transformées. 22, c'est aujourd'hui, le compte épargne-temps. Mais là, on va élargir et prolonger jusqu'à 30 jours, et on pourra échanger donc ces 30 jours, ce mois, finalement, en salaire. Ça, donc, bah, ça revient à travailler plus pour gagner plus. Avec une limitation dans le temps ou pas, Olivier? Oui, mais je crois que c'est 5 ans. Hein. Mais c'est bien. C'est vachement bien. Moi, je suis pour le travail, de toute façon. Moi, j'ai jamais eu de patron... Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite? On ne touche pas aux 35 heures, mais finalement on dit aux gens, vous ne prenez pas vos 35 heures, on va vous les payer. Pourquoi pas? Mais il y a aussi le système inverse, parce que moi je connais des tas de gens qui sont obligés de prendre leur RTT, parce sinon un certain temps ils les perdent. Ouais. T'as des mecs qui te disent, moi j'ai plein de gens, j'ai 3 semaines de vacances à prendre. On parle jamais du grand avantage des RTT, c'est que ça nous a débarrassé de Martine Aubry quand même. Elle est morte avec ça. Non, mais elle est pas morte. On n'est jamais mort en politique. On s'en apercevra avec Fabius. Puisque c'est une obligation, pour les gens qui travaillent, que je respecte, puisque c'est une obligation, ceux qui veulent en profiter, si j'ai bien compris, prennent leur RTT, s'éclatent, vivent en famille, etc. Et ceux qui veulent gagner un peu plus de pognon, les accumulent et les transforment en pognon. C'est vachement bien. Mais là encore, je vois pas pourquoi Raffarin, franchement, s'occupe de ça. Il a eu raison de parler de Martine Aubry. Mais je peux te faire la liste des choses dont il devrait s'occuper. Il a parlé de Martine Aubry, il a raison. Mais c'est pas l'État de s'occuper de ça. C'est vraiment à régler ce problème à l'intérieur de chaque branche et même encore plus à l'intérieur de chaque entreprise. Je reconnais que les toutes petites entreprises sont pas concernées. À la limite, il y en a qui ont besoin d'avoir plus d'argent. Ils utilisent pas les RTT. Je suis David Dick. Ils touchent de l'argent. Bah oui. Les autres préfèrent avoir de la RTT, avoir leur vendredi, ils prennent leur vendredi. D'autres veulent épargner, ils épargnent. Mais franchement, quand même, de la liberté. Mais je suis inquiet là-dessus. Oui, mais les syndicats disent non. Disent il faut que les salariés puissent bénéficier des mêmes droits. C'est pas exact pour les syndicats. S'il y a des syndicats, on en revient toujours à un syndicat, c'est fait pour dire non. Hein. C'est un syndicat qui dit oui. Tout à fait. Là, c'est Nicole Notat, vous voyez. Lorsqu'un syndicat... a été signé dans un accord a été signé dans l'entreprise, on peut tout à fait le renégocier. Ça existe. Simplement pour reprendre. Moi, je voudrais quand même faire le lien entre le RTT et la maison de campagne. Ça intéressait quand même que les cadres qui avaient une maison de campagne pour avoir des week-ends de 3 jours. Donc c'était une mesure, bizarrement c'était une mesure faite par le PS qui était comme par hasard pour favoriser les cadres moyens supérieurs. Mais ça n'a jamais été fait pour les couches populaires. D'ailleurs, je n'ose pas, vous êtes perdu à cause de ça. Arrêtez de dire voyage, j'ai raison, là, vous allez m'attirer des ennuis. Mais Alain, je suis complètement d'accord, dans le domaine du tourisme, ça n'a apporté aucun client supplémentaire. C'est uniquement les cadres et les cadres et là-dessus qui sont partis beaucoup plus en week-end. C'est, ça, donc il y a des clients supplémentaires, alors. Non, c'était les mêmes. Donc, ils allaient en vélo, c'est les socialistes. Ils voyageaient, mettons, 3 fois par an, et du coup, maintenant, ils voyagent 5 ou 6 fois par an. Ça a permis à ceux qui voyageaient déjà pas mal de voyager plus. Simplement ça a permis, par contre, de faire du bricolage. Pour préciser ce que disait Olivier. Mais moi, j'ai une question. Alors, vas-y. Mais pourquoi les syndicats sont, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ça? Parce qu'ils sont inquiets. C'est acquis. C'est un acquis, ouais. Mais là pour défendre les acquis des salariés. Mais si ils se disent que c'est parti du pacte social. Si on commence à mettre en place de tels systèmes, c'est que petit à petit, on veut changer les 35 heures sans le dire. Voilà. La liberté, il a raison, Jacques. Attends, non, c'est pas changer. Le type qui veut faire que 35 heures, il fait 35 heures. Et celui qui veut gagner du pognon, c'est-à-dire comme c'est aménager les 35 heures. Les RTT, tu pourras les stocker si tu mets sur un compte épargne temps, sans limitation dans le temps. C'est pas 5 ans finalement. Il n'y a pas de limitation dans le temps. Rien n'est tranché pour l'instant. Il y a plusieurs hypothèses. C'est limité. Pour l'instant, la loi dit que c'est limité. On propose maintenant que ça soit plus limité. Sans limitation de temps. Aujourd'hui, les syndicats se disent. Les syndicats te disent, c'est simple pour le patron à ce moment-là, c'est qu'il va vous dire, mettez ça dans le sac, compte épargne-temps, et pendant ce temps-là, vous travaillez, puisqu'on ne va pas vous les payer, puisque je crois qu'on les soldera, qu'au moment où, en fait, où tu quittes l'entreprise, il faudra un accord tacite. Ah bon? Et donc, en fait, ça fera des heures supplémentaires qui ne seront pas payées, puisque tu ne récupères pas l'argent. Ah ouais, alors là, d'accord. C'est pour ça que les syndicats disent, ça va bousiller des vies de famille, ça va bousiller des jours de repos, et en bousiller fait. Bousiller des vies de famille, c'est peut-être un peu fort, quand même. Et en fait, vous allez. Mais il y a même aussi des gens qui ont bousillé ma famille. Vous allez encore dire, je suis excessif. On la nourrit aussi, la famille, en travaillant. Il y a même aussi des grandes entreprises qui veulent toucher à rien. Parce que dans les très grandes entreprises, ils sont bien débrouillés à partir du texte d'Aubry. Oui. Ça les a aidés. Ils ont obtenu de tels efforts de productivité, de compétitivité, moyennant finalement un peu d'ARTT. Ils veulent surtout qu'on touche à rien. Et surtout, ils ont obtenu des aides du gouvernement. Ah, et des aides du gouvernement. Mais attends, Olivier a raison, et des aides. Il faut rappeler que chaque entreprise a reçu des aides publiques. Il faut les obliger, par exemple, il faut obliger les patrons, les PME qui sont pénalisés. N'importe quoi, une fois par an. Attendez, pas en même temps. Il faut les prendre une fois par an, une fois, je sais pas, il faut que ça soit simplement ça. Donc, pour qu'il y ait une limitation dans le temps. Il faut mettre une échéance. Voilà, une échéance, un an. En fait, c'est un dossier très complexe parce que ça favorise les grandes entreprises, ça pénalise les PME. Si on avait vraiment voulu créer de l'emploi, il fallait passer à 32 heures, à 35 heures, on crée pas d'emploi. C'est un dossier très complexe. C'était complètement merdeux, les 35 heures. C'était très démagogique. C'était pour les grandes entreprises et les cadres, alors que c'est soi-disant une mesure de gauche. Maintenant, on peut plus toucher parce qu'on peut pas toucher aux acquis. Et en fait, je pense que ça, le seul côté positif, c'est que ça nous a débarrassé de Martine Aubry. Et ça, bon. Non, mais revient, et si Martine Aubry avait été aux 35 heures, elle aurait pas pu produire cette loi stupide. Et moi, je suis pour que les politiques soient aux 35 heures, parce que comme ça, il faut moins de pognon. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Moins de pognon. Alain, j'ai une mauvaise nouvelle. Elle revient, et Jacques Maillot a raison de le dire. Elle revient parce que le oui l'a emporté au Parti Socialiste. Il y avait une réunion hier entre les gagnants, les vainqueurs, ceux qui au PS avaient appelé à voter oui, et Martine Aubry en fait partie. Elle va travailler sur le programme socialiste pour 2017. C'est le grand retour de Martine Aubry. Mais oui. Mais elle n'est jamais partie, Martine Aubry. Mais en France, tant qu'on a des électeurs, on est là. Elle est maire de Lille. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas présidente de la communauté urbaine. Elle a été battue aux législatives. Elle reviendra au Parlement. Et si la gauche l'emporte en 2007, elle sera ministre. Mon cher Soral, tu la verras au moins comme ministre. Je sais bien, même Fabius. Tu la verras même Fabius, on dit qu'il va partir, mais je pense que... Fabius est une institution. Bien sûr. Que fait-on des RTT? Doit-on les payer ou doit-on les mettre en compte épargne-temps? À vous de nous le dire aussi au 3216 ou par SMS ou par Internet rmcinfo.fr. Email qui vient d'arriver d'ailleurs, Olivier. Un habitué, Jean-André, qui nous fait part de sa réflexion. Franchement, c'est quoi cette C, trois petits points? Pour une fois, ce gouvernement pourrait jouer franc jeu en nous remettant aux 40 heures, avec les salaires qui seraient, dans ce cas-là, remontés au niveau des 40 heures, marre de ce tourniquet gouvernemental. Mais c'est vrai que, une fois de plus, c'est assez hypocrite. C'est un symbole, c'est un symbole. C'était d'ailleurs dans le programme de l'opposition quand ils ont gagné les élections. Ils auraient dû le faire tout de suite. Mais Chirac s'y opposait immédiatement. Mais Chirac n'est pas de droite, c'est la l'ambiguïté. C'est un radical. C'est un symbole. Les gens de droite sont toujours battus avec Chirac. Absolument, ils sont cocus. Il fallait Mitterrand pour faire une politique libérale absolument. En 83. Mais oui. Et Fabius d'ailleurs. Mais hein. Mitterrand, c'est un mec de droite. Il n'aurait pas pu le faire. Et tu as mangé du bien. Clown, mais ce non, matin. Mais c'est la réalité. Toujours les socialos qui font les trucs de droite. Il a raison, Jacques. Absolument. Mitterrand était de droite et Chirac était de gauche. Oui, c'est un peu ça. Dans cette affaire des RTT, le principal, c'est de laisser la liberté aux entreprises de faire ce qu'elles veulent avec leurs salariés. Ça n'a pas besoin de mettre un cadre législatif. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il faut quand même l'accord des salariés. Si tu laisses une liberté totale, dans l'entreprise, il y aura des abus. Mais non, on n'avait surtout pas besoin de Martine Aubry. Sarah a la raison, elle a tout compliqué. Dans l'entreprise, maintenant on est coincé parce qu'il y a un symbole de la réduction du temps de travail qui remonte au Front Populaire et aux 40 heures. Et on est passé au 39 avec Mitterrand. Et c'est toujours la démagogie des sociodémocrates de gratter un petit peu. Et on sait très bien, M. Méo, que c'est du malthusianisme économique. La vraie gauche, c'est de partager les richesses, c'est de pas partager le travail qui reste quand le capital a bousillé le travail. N'est-ce ça pas nous permet d'avoir une pensée pour Léon Blum. Je m'en réjouis. Je m'étouffais. Il a mangé du clown. Il a mangé du clown. Éric, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue, Éric. Tiens, vous êtes aide-soignant. Vous travaillez à l'hôpital? Tout à fait. Éric, vous préférez le compte épargne-temps ou vous préférez que ce soit payé? Il va lui appeler. Je pense que le personnel hospitalier aimerait bien que ce soit payé. Le compte épargne-temps, bon, nous, ça, on a été un petit peu précurseurs au niveau de l'application du compte épargne-temps. Sauf que pour tout ce qui est personnel soignant, il y a de gros problèmes pour la prise du compte épargne temps, parce qu'il y a une partie qui est à la charge de l'employé, une partie à la charge de l'employeur. Ce qui se passe, c'est que l'employeur nous fait prendre le compte épargne temps quand nous on le désire, et au niveau de pouvoir prendre les RTT ou les congés annuels ou les heures supplémentaires qu'on met dans le compte épargne temps, on prend quand il y a de la possibilité au niveau personnel. Ouais. Mais vous, par exemple... Donc pour vous, c'est plutôt négatif. Pour nous, c'est négatif. C'est-à-dire que, bon, si on fait un historique déjà, en 97, les gouvernements ont fermé les écoles d'infirmières. Donc, on réduit les écoles d'infirmières, on ferme les écoles d'infirmières. Donc, pénurie. Alors qu'ils avaient quand même tout le dossier pour voir que le personnel hospitalier, au niveau population, était en train de vieillir. Donc, ils ferment les écoles. En 2002, ils rouvrent les écoles, ils remontent les quotas au niveau des écoles d'infirmières. À partir de là, il faut 3 ans pour former des infirmiers. À partir de là, il y a une pénurie. À partir de là, on a eu les 35 heures. C'est la merde, hein. Ouais. Les 35 on heures. On a fait venir des Espagnols. Bon, ouais, mais les Espagnols, bon, c'est un petit peu une utopie. C'est-à-dire qu'elles sont venues en France. Bon, après, il y a eu un problème de langue, donc elles sont reparties chez elles. Donc, c'est pas, moi, je pense que l'Espagnol, ça a été un petit peu pour mettre, faire du média, grossièrement, ouais. Et pour noyer un petit peu le poisson. Mais le problème sur le terrain, c'est que les 35 heures, on n'arrivait déjà pas à travailler en 8 heures de temps. Moi, je vois, par exemple, dans notre hôpital, on travaille en 7h33. En 8 heures, on n'arrivait déjà pas à travailler, à passer des consignes, à travailler correctement. Maintenant, on travaille en 7h33. Donc, le problème, c'est que l'économie qu'ils ont fait entre 7h33 et 8 heures, il faut qu'ils le compensent. Donc, ils le compensent par des heures supplémentaires. Ils le compensent par un fonctionnement. Donc, ils sont en train un petit peu au niveau... Ils n'ont pas compensé par des embauches, alors? Non, non. C'est-à-dire que... Donc, les 35 heures n'ont pas créé d'emploi. On le sait, ça. Non, non. Les 35 heures n'ont pas créé d'emploi. Oui, là, les socialistes disent que les 35 ans ont créé de l'emploi. Non, mais bon, que ce soit socialiste c'est ou droite, personne ne croit plus aux 35 heures, mais on ne peut pas s'en débarrasser parce qu'il y a le symbole de la réduction du temps de travail. Alors on essaye de vider de son contenu cette mesure qui était très très socialiste au sens stalinien du terme. Et c'est vrai qu'on est, on est dans la merde. C'est vrai que les 35 heures, c'est une véritable usine à gaz. Il ne faudrait pas, pour essayer d'améliorer les choses, créer une autre usine à gaz à côté. D'où la liberté, l'intérêt de laisser la liberté aux entreprises de faire. Absolument. Comme elles le souhaitent avec leurs salariés. Nous, ça nous ferait plaisir le compte épargne-temps. Parce que, par exemple, tiens, on va prendre notre exemple avec Alain Marchal. On est tous les deux salariés d'RMC. On a des RTT. On les prend jamais, puisque si on prend une RTT, on fait pas d'émission. Mais on vous l'a dit au vendredi. On nous les paye pas, et donc on les perd. Mais c'est ce que j'ai dit. Si on avait un compte épargne-temps, vous devriez avoir un compte pour les mettre de côté. C'est ce que j'ai dit. Et on pourrait ensuite avoir. Je ne sais pas ce que font les syndicats d'RMC. Vive-moi. Ils sont pas très bons. Mais ils disent non. Vive le compte épargne-temps. Alors là, les syndicats sont les médicaments génériques du chômage. C'est ce que nous dit Christophe dans l'Isère. Il est chauffeur routier. Et Christophe, par SMS, qui réagit aussi. Les routiers font 200 heures. Alors laissons les gens travailler s'ils le veulent. Laissons la liberté, s'il vous plaît. Vive le travail. Tiens, puisque nous parlions des socialistes, Jacques Maillot, un mot quand même sur le résultat du référendum sur le traité constitutionnel. Tu mises sur un retour de Fabius dans un an ? Ah ben, de Fabius, je vais en parler, mais je peux le dire tout de suite, c'était un peu mon coup de gueule. Ah. Je voulais féliciter Laurent Fabius, il est à lui tout seul, il a finalement déplacé 4% du Parti Socialiste. car si on regarde l'arithmétique du Parti Socialiste, si on additionnait Emmanuelli et Mélenchon plus Payon et Montebourg, ça représentait 37%, c'était le rapport de force. Grâce à Fabius, le non a fait 41%. C'est vraiment en effet une performance historique. Mais est-ce qu'il est mort politiquement? Mais je réponds non. Ah, il est pas mort avec le sang contaminé, mais, il est incroyable. Mais non, mais il est pas mort politiquement. Edgar Faure, comme il disait, tant qu'on a des électeurs, il a un fief. Faut reconnaître que Mitterrand lui a donné la circonscription du Grand Quevilly. Oui, il est déjà député, maire du Grand Quevilly, je dirais, à vie. Oui, enfin, ses ambitions. Je pense que pour l'élection présidentielle. Bon, enfin, il y a toujours des imprévus pour l'élection présidentielle. Mais là, objectivement, c'est pas très bien parti pour l'élection présidentielle. Faut d'ailleurs saluer la performance de François Hollande, du leader de l'opposition. C'est un corésien. 82% de oui. Comme Chirac. Ils ont des points communs, ces deux radicaux socialistes. Dick Rivers sur l'Europe, sur le traité constitutionnel. Alors moi, je suis pour l'Europe, point barre. Donc tu voteras oui dans l'absolu au référendum dans un an. Bien sûr. Mais c'est pas forcément dans un an, ça va être plus près. Moi, la dernière fois que j'ai réfléchi sérieusement en politique, c'est quand je me suis tapé la lecture des accords de Maastricht que personne n'a lu. C'est des usines à gaz comme les contrats d'assurance pour qu'on n'y comprenne rien. Et je vous dis franchement que ça me... J'avoue maintenant que ça me dépasse. C'est-à-dire que c'est fait pour qu'on n'y comprenne rien. Absolument. Dire qu'on est pour l'Europe, c'est comme dire qu'on est pour le beau temps. Ce qu'il faut voir, c'est l'Europe de quoi, à quel, enfin les petits caractères, quoi. Hein. Avec l'histoire de la Turquie, de machin, de ça n'a rien d'un libéral. Non, mais c'est deux choses complètement différentes. Fabius qui dit non, alors que normalement ça c'est un libéral, et puis d'un seul coup, c'est tellement complexe que je refuse de m'y intéresser. Et donc, tu ne voteras pas? Ne voterai pas, parce que je pense que on ne comprend rien, on veut pas qu'on comprenne, ça nous dépasse totalement, c'est force, de toute façon, c'est anti-citoyen. C'est quand même dommage qu'un intellectuel comme Soral ne lise pas ce traité constitutionnel. Personne ne le lira jamais. Mais c'est pas exact. Combien il fait de pages? 70, oui. Mais beaucoup l'ont lu. Je peux dire qu'au Parti Socialiste, là-dessus, il faut reconnaître, au moins, il y a une démarche pédagogique. Mais le Parti Socialiste est le reflet de la France, Jacques Maillot. Ils ne sont pas d'accord. Ils l'ont pas interprété de la même façon. C'est le gouvernement. J'ai pas dit que... Mais Jacques, c'est vrai que les militants socialistes sont des gens qui sont politisés. Alors, par essence. Alors, est-ce que c'est pire? Est-ce que les Français vont te le dire le traité? C'est mieux. C'est beaucoup mieux que le traité de Nice. Je te fais confiance, Jacques. Alors là, une part. Confiance à Jacques sur l'Europe. J'ai du bon sens. Là-dessus, une parenthèse. Je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de lire tout le traité constitutionnel. Il y a eu dans tous les quotidiens. On n'a qu'une vie, On n'a qu'une vie. Moi, j'en ai marre de me faire chier. Alain, il y a eu dans tous les quotidiens, dans les hebdos, il y a eu de très bons résumés. Il y a eu, par exemple, dans Libé, c'est pas pour pousser Libé. D'ailleurs, ils en ont besoin, j'ai vu. Ils ont quelques soucis. Ils ont Rothschild, oui, c'est pas encore réglé. Mais là-dessus, il y a des résumés, il y a des synthèses fort bien faites. Mais c'est pas parce que le Parti Socialiste a voté oui au traité constitutionnel que les Français voteront oui dans 6 mois ou dans 9 mois. Mais tu redonnes de l'espoir à Fabius. Dick Rivers. Non, il va être obligé d'être loyal. Moi, j'ai voté non parce que pour une fois, je vais être avec Fabius. Alain Soral, Olivier Truchot et Jacques Maillot, les coups de cœur et les coups de gueule. Des grandes gueules. C'est après les infos de midi et demi. 13h, Roselyne Bachelot. Et puis vous, au 32-16 aussi pour votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Rejoignez-nous, allez, venez. C'est bon de venir dans les grandes gueules. Ah.